Ma gueule, y'a des jours où j'ai rien à te dire. J'suis pas ton ami, j'suis pas sympathique. J'ai tout d'un anxieux, j'ai rien d'un artiste. J'aime le caractère incertain de l'avenir. J'ai harakiri mon esprit en deux. J'suis victime de troubles dissociatifs. J'pourrais te faire du mal, mais c'est trop facile. Les meilleurs dialogues se font silencieux. Pourquoi toi tu me reconnais et pas mes proches? C'est pour me souvenir que je grave l'écorce. Tu serais bien plus belle sans tes artifices. J'suis dans l'émancipation, le matricide. J'tourne en rond dans l'escalier de Penrose. Du papier d'améthyste et d'émeraude. Le mal, le bien, frangin, ça dépend. On se tue juste pour qu'il se passe quelque chose. Pulsion animale et nocturne. La sobriété, c'est mon costume. Les visages de ma rue sont anthracites. Tu veux pas savoir ce que mon ventre abrite. Le juste milieu, c'est toujours abstrait. Je sais pas, je suis coincé dans un déjà vu. Au clair de la lune, on se met à nu. Aujourd'hui, je ne t'aime plus qu'à l'imparfait. Le temps est gris, j'attends rien du ciel. Il n'y a pas qu'en moi que j'ai du mal à croire. Elle m'a dit, je te préfère quand t'es sous alcool. Mais c'est parce qu'autrement, je veux pas la voir. Tous les yeux sur Billy, personne me voit. N'emploie aucun mot, j'en ai rien à foutre. Je me mets à leur place, mais qu'il fait pour moi. Je sors de chez moi lorsque vient la foudre. Je suis pas comme tu veux, je suis pas présentable. J'ai grandi trop vite, pardon maman. Je peux pas te faire confiance si je me présente pas. Peu m'importe la fame, les apparences. Dans l'incapacité d'effacer l'ardoise, j'ai caché les squelettes et caché l'armoire. Je parle peu, j'ai peur de me casser la voix. Puisque parler d'amour est blasphématoire. La boucle est bouclée, est-ce qu'on recommence? Les vieux amis font l'effet d'un feu orange. J'entends des voix partout sous les murs. Le chargeur est plein, je tente une roulette russe.